works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Absolutely did it! Pass play here, the shot! Henderson made a wild snap, work fell. Here's another shot, right by the shore! C'est long. Et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going to the end zone. The Bears have won. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'inconduite de partie. Pierre-Luc Giroux à mes côtés, comme à tous les jours, comment ça va Pierre-Luc? Ça va bien toi, pas tous les jours, mais à toutes les semaines. Ben oui, toutes les semaines. Ah, écoute, c'est parce que c'est tellement... Tu serais bien trop chanceux. Ben, ça serait fun de faire ça tous les jours, hein, mais éventuellement, ça deviendrait difficile. Hein. Mais comment ça va toi, bien dormi cette nuit? C'est très très bien, il fait beau ce matin, écoute, on est bien, hein? On est vraiment. Mais tu sais pas, un petit air frais, mais juste correct. Ça donne le goût d'aller prendre une bière sur une terrasse. Ou de jogger. Parce que c'est un air qui est frais, qui rentre bien dans les poumons pour rester dans le sport. Ouais, j'avoue que c'est faut encourager le sport. Une belle journée pour ça. Là, ça va être vraiment... faut être bien habillé, par contre. Là, sortez pas de même, là, parce que vous allez vous les geler. Donc, cette semaine à l'émission, on va parler du début du tournoi. Là, dans le fond, le tournoi de hockey universitaire, le SIC, dans le fond, qui commence cette semaine. Le championnat national commence jeudi. Malheureusement, les Patriots seront pas là cette année. Et non. Ça s'est terminé. On est passé à deux victoires de proche de l'avoir, dans le fond, contre McGill, là. Fait que c'est McGill qui va représenter le Québec à cette classique. En deuxième partie de l'émission, Pierre-Luc, tu vas nous parler des séries de la Ligue nationale. Bien sûr, ça parce continue, que là. Ça brasse beaucoup dans les séries. C'est sûr que c'est pas très serré. Mais on a droit à quelques bonnes séries là, en ce moment là, dans l'hockey junior. OK, fait qu'on va avoir du stock, du contenu en masse en deuxième partie d'émission. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parfait. Mais tout d'abord, comme à chaque semaine, les actualités. Alors, cette semaine, quelques nouvelles qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, c'était le début de March Madness aux États-Unis, le fameux tournoi de basketball qui vient rejoindre là, les meilleures équipes de basketball. Le Final Four, le Frozen Four commence aussi. Là, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, qui est l'équivalent au hockey du March Madness au basket. Donc, dans les surprises de la semaine, je pense qu'on peut parler de la défaite de Wake Forest 84-69 contre Cleveland State. Wake Forest est classé quatrième dans la division, la partie tournoi Midwest, dans la régionale qu'on appelle. Il était classé quatrième, Cleveland State 13e, mais ça s'est fini 84-69. Donc, Cleveland State a avancé au deuxième round, mais s'est fait éliminer par l'Arizona 71-57. Donc, ils ont été chanceux, mais ça n'a pas été plus loin pour leur équipe Cendrillon. Autre petite surprise aussi, les Badgers du Wisconsin ont vaincu en prolongation les Seminoles de Florida State, 61-59, donc serré quand même là. Les Badgers, puis les Badgers chaque année vont amener une équipe qui est très plate à regarder, vraiment faite défensivement, mais réussissent tout le temps à avancer, comme souvent en deuxième ronde, à donner des bonnes performances. Donc écoute, c'est un style qui l'a réussi bien. Puis qui, c'est ça, regarde, les Devils ont gagné des Coupes Stanley en étant défensif de cette façon, ben écoute. C'était vraiment la comparaison qui venait vite, là, donc ouais, c'est ça, mais ils se sont fait sortir tout de suite après par Xavier, 60-49, donc... Moi, je pensais vraiment que Wisconsin allait se rendre en deuxième ronde, mais non, malheureusement pour eux, ça n'a pas été plus loin. Sinon, il n'y a pas vraiment eu de grosses surprises. Quelques dixièmes, des classés dixièmes qui ont éliminé des septièmes, mais rien d'autre de très surprenant. Je dois dire que Pittsburgh, l'Université de Pittsburgh, qui est classée première dans la région Est, m'impressionne pas. Des victoires très peu convaincantes contre... East Tennessee State contre Oklahoma State aussi. Pas des choses très performantes pour une équipe classée aussi haut que ça, là. Donc, tu sais, Oklahoma State sont classés 8e là, dans la région. Donc, non, rien de très surprenant. On va voir, mais à mon avis, ça sent pas le Final Four pour eux autres. Ça m'étonnerait qu'ils se rendent dans les 4 derniers. Hey, je vais m'y aller de mes prédictions là, un peu. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, justement, on en parlait. Pittsburgh va affronter Xavier en fin de semaine. Ça commence demain, à vrai dire, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sur 2 jours pour savoir qui sera au Final Four. Donc, Pittsburgh-Xavier, je suis pas prêt à dire exactement qui va gagner. Xavier est classé 4e, eux autres sont premiers. Je serais pas surpris de voir Xavier avancer. Je serais vraiment pas surpris. J'ai été impressionné. Pas impressionné, mais Xavier a très bien joué contre les Badgers. Soyez pas surpris s'il y a un upset, comme on dit. Dans la même région, Villanova-Duke. Ça aussi, ça va être tough, là. Villanova joue du très bon basketball. Duke, ben Duke, c'est tout le temps du très bon basketball. Ça a jamais changé. Pour cette région-là, à mon avis, ça va être le gagnant Duke puis Villanova qui va se rendre au Final Four la fin de semaine prochaine. Dans la région South, la région Sud, désolé en anglais, Caroline du Sud, North Carolina contre Gonzaga, North Carolina va avancer. Syracuse contre Oklahoma, Syracuse va avancer. Et pour finir ça, North Carolina va se rendre au Final Four comme l'an dernier. Ils sont tout le temps là toutes les années là. Et on les connaît, UNC, là, c'est vraiment depuis Michael Jordan. Puis il y a tellement de grands noms qui ont passé là. Donc ça sera pas trop difficile pour eux autres, à mon avis. Dans la division Ouest qui va se jouer à Glendale en Arizona, UConn contre Purdue, UConn va avancer, ça sera pas trop difficile. Memphis, Missouri, ça va être plus chaud, Memphis va avancer. Et je prédis que Memphis va sortir de là, vont venir battre UConn. Donc, mais ça, ça va être très serré comme game, ça va être du bon basketball. Et dans la division Midwest, ça va être Louisville, Arizona, Louisville avance. Kansas, Michigan State, je fais avancer Kansas. Et à mon avis, Louisville sera au Final Four, mais encore, va être une partie très chaude. Kansas, là, c'est tout le temps, toutes les années, là, des très, très bonnes équipes. Là, les Wildcats, là, c'est tout le temps du... Ben, je viens de le dire, je le répète, du gros basketball. Donc, c'est ce qui conclut pour le basketball, pour le March Madness. Autre nouvelle cette semaine, il y avait un combat de boxe. Il y a un combat de boxe organisé à Montréal, organisé par les... qui était organisé par Choco. Alexandre Choco, le promoteur. Dans le fond, le combat qui va se dérouler le 4 avril prochain au Centre Bell, c'est entre Tim Bradley et Kendall Holt, qui sont deux champions du monde. C'est un combat d'unification. Donc, à la base, très, très gros comme combat. Par contre, Montréal, on tripe boxe quand c'est un Québécois ou un Roumain qu'on dit qu'il est Québécois, là, on s'entend, là. Un Montréalais, appelons-le comme ça, d'adoption ou de... qui se bat là-dedans. Malheureusement, Kendall Holt et Bradley, c'est pas des noms connus, même s'ils sont champions du monde. Donc, Choco, l'organisation Choco a visé beaucoup, beaucoup trop haut. Les ventes de billets allaient pas bien, vraiment pas bien. Ils se sont désistés de l'organisation. De toute façon, ils n'avaient pas réussi à mettre le... Je pense que c'est 250 000 fallait qu'ils donnent pour organiser le combat. Ils n'ont pas réussi à le donner. Donc, ça va maintenant être Interbox qui va venir aider Gillette Entertainment Group, le GEG. Eh oui, le groupe qui a de la misère de ce temps-ci. Ouais, ils n'ont pas de la misère, là. C'est juste que M. Gillet a besoin de liquidité, là. Ouais, mais oui. En tout cas, on va regarder ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Là, ça va être de quoi d'intéressant. Donc, ils vont venir aider. Là, il va peut-être avoir des gens d'Interbox qui vont... Des boxeurs d'Interbox qui vont venir se battre pour ce gala-là, ce qui n'était pas supposé au début. Donc, c'était vraiment un gala à saveur internationale, mais comme il n'y a personne ici, ben ça ne l'attire pas parce qu'on est des tripeux d'événements et de boxe locale au Québec. Ça. On aime bien aller encourager les nôtres. Oui, les nôtres. Donc, on va voir à ça. Aussi, dans le même événement, il y a Librado Andrade qui avait quasiment battu Lucien Bouté. Ouais. Certains disent qu'il l'a battu, mais que c'est Marlon B. Wright, l'arbitre, qui n'est pas venu faire le bon travail. C'était un peu une décision controversée. Là, très controversée. Ouais, ça avait été très serré. Donc, Andrade va affronter Vitaly Tsipko dans un duel éliminatoire pour vraiment savoir qui va venir affronter Lucien Bouté encore. C'est un combat éliminatoire. Donc, ça se pourrait qu'on voit Andrade versus Bouté dans pas très long. Ça serait une belle revanche. Ça, ouais. Ça va rappeler le Centre Bell. Donc, c'est ça. Puis, en plus, le combat, il est diffusé sur les ondes de Showtime aux États-Unis. Donc, tu sais, c'est gros, là. C'est mais Canal Indigo, mais pour 300 millions de personnes et non pas pour 7 millions de personnes. C'est la différence. Bon, on va. Une autre petite nouvelle aussi de tennis, Alexandra Wozniak, qui est maintenant classée parmi les 30 meilleures joueuses mondiales. Ben oui. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Un joueur canadien dans les 30 premiers. Elle est classée en ce moment 29e au monde. Donc, ça va bien, vraiment, là, pour Alexandra Wozniak. En espérant qu'elle se classe maintenant dans le top 15. Donc, vraiment, félicitations à cette jeune fille de Blainville. Oui, puis elle s'est classée troisième. Elle s'est rendue en troisième ronde à Indian Wells. Qui n'est pas un tournoi de premier niveau. Facile, là, non, vraiment non. Pas. Donc, très intéressant. Et finalement, on va en parler un petit peu. Les Patriots Soccer ont fini leur saison cette semaine. Et oui. Malheureusement, ont été éliminés. Mais gars, c'était tout un défi. Là. Le parti s'est fini 3-1. Ils jouaient pas contre n'importe qui, maintenant. Ah non, les Citadins de l'UQAM, c'était vraiment un gros défi. 3-1, c'est une très bonne performance pour eux. Vraiment, là, c'est très... Tant qu'à moi, la saison de soccer intérieur des Patriots a été très, très, très impressionnante. Ça promet pour l'an prochain. Je sais pas exactement qui va quitter l'équipe, qui revient, tout ça. Je vais aller à la recherche de tout ça pour la semaine prochaine. Ben, je sais que l'équipe de soccer masculin et féminin, l'année prochaine, ont un camp d'entraînement qui va se passer en France. Ah ouais, OK. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là, d'envoyer, dans le fond, les joueurs en France, justement, pour amener une bonne cohésion d'équipe et justement pour rivaliser contre des meilleures équipes, parce qu'en France, c'est du très bon soccer. Peut-être apprendre des choses qu'on... C'est ça, des techniques qu'on n'a pas ici, sans bien ça. OK. Ben, ça va être intéressant, vraiment. Ben oui. Hey, dans la défaite des Patriotes, le but est revenu à Mouhamadou Bachir Diop. J'ai tout le temps peur de maganer son nom. J'espère qu'il ne nous écoute pas. donc, c'est ça. Puis, Bachir a été nommé, qui est une recrue. Donc, vraiment, il a bien joué cette année. Souvent, on a vu son nom sur la fiche des pointeurs. Recrue avec la formation, c'est le Patriote de la semaine, grâce à son but. Originaire du Sénégal, Bachir a su s'adapter au style de jeu nord-américain tout au long de la saison de soccer intérieur. Lui, Bachir, il fait un baccalauréat en génie électrique. Donc, très bonne nouvelle pour lui. On va juste voir, on va se croiser les doigts. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver là, avec les Patriotes l'automne prochain. Ça va être très intéressant. Yes, aussi, on parlait un petit peu des Estacades de Trois-Rivières dans le Midget 3A. Qui mènent leur série maintenant 3-2, qui ont remporté hier un gain de 8-6 sur les riverains du Collège Charlemagne. Donc, les Trifluviens qui perdaient 6-4 après deux périodes ont une belle remontée de 4 buts contre un ancien gardien, justement, qui avait été retranché du camp des Estacades, qui est Denis Paradis. Donc, 4 buts en troisième période pour une belle victoire de 8-6. On mène maintenant 3-2 dans la série. Regarde, on espère que ça va aller loin pour les Estacades. Les Estacades, là, Midget 3, faut aller encourager ça. C'est du beau hockey. Hey, on va aller à la musique. Petite chanson de l'artiste, c'est Navet Confit, le groupe. Donc, on va aller écouter la chanson de dimanche sur les ondes de C'est Fou 89.1. On s'est parlé au téléphone, elle était bleue, moi j'étais jaune, elle a glissé ses mots à travers l'appareil, jusqu'à mon oreille, toute chauve et souris, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, le pique-nique est fichu d'une toile, une parc-en-ciel. Je pensais qu'on était... Et c'était Navet Confit avec la chanson Dimanche. Donc, on en a parlé, malheureusement, les Patriotes ne sont pas au championnat national. Par contre, ça commence en fin de semaine. Si vous voulez voir ça, en passant, là, c'est sur les zones, pas tout le tournoi, mais tout ce qui est les matchs de samedi et dimanche va être sur les zones de Rogers Sportsnet. Donc, sur votre télé, je pense que Cogeco, Câble Normal l'ont pas, mais Vidéotron, eux, l'ont. Donc, Cap de la Madeleine, vous êtes chanceux, puis Trois-Rivières, vous ne l'êtes pas. Donc, c'est vraiment ça pareil. Donc, ça commence en fin de semaine, la Coupe Université Cavendish. Cavendish étant, je pense que c'est une marque de frites. Ouais, c'est une marque de frites, ça. J'ai faim. C'est une marque, je pense, qui vient de l'île du Prince. Ouais. Ben, l'hockey marche très fort dans les maritimes. Ouais. Parce que ça, puis la pêche, à part de ça, je pense pas que t'as d'autres choses à faire dans les maritimes. Non, la pêche, puis les patates. Je suis méchant. Les patates. Les patates, la pêche. On est méchant. Donc, ça commence... ça commence en fin de semaine au Fort Williams Gardens de Thunder Bay. Donc, ça va être la première année que c'est disputé là. L'an passé, c'était disputé à l'Université Moncton. Donc, à Moncton, c'était les Aigles Bleus qui organisaient ça. Donc, dimanche, 14h, ça va être la finale. Donc, les équipes qui vont participer au tournoi. Premièrement, les Golden Bears de l'Alberta qui ont été premiers pendant une bonne partie de la saison, premiers au classement canadien, vraiment qui ont gagné leur ligue, qui ont gagné la ligue de l'Ouest, la conférence de l'Ouest plutôt, qui vont être très, très, très dangereux. Chaque année, les Golden Bears, c'est une équipe redoutable, difficile à battre. Tant qu'à moi, là, j'y mets quand même favori pour gagner. Ça va être bon. Aussi, les Thunderwolves de Lakehead, qui sont... L'équipe chanceuse, en effet. Ils ont pas mal joué, par contre. Ils sont quand même rendus en série. Puis tout, c'est pas comme si ça avait été une équipe qui avait même pas fait les séries. Ils se sont rendus en série, ont été éliminés face à Laurier. Oui, face à Laurier, qui, eux, ont perdu face à Western. Donc, Western va être aussi là, l'Université des Mustangs de Western, qui, eux, ont gagné la Coupe Queens, qui est le championnat de l'Ontario au complet. Là. T'sais, on a dit, les Patriots, s'ils battaient McGill, c'était les champions. Ils allaient être les champions, dans le fond, de la conférence S de l'Ontario. Là, eux, Western ont été champions de la conférence Ouest. À la Coupe Queens, McGill, Western, c'est Western qui l'a emporté 2-1. Donc, vont être dangereux, mais c'est quand même une équipe correct. Tant qu'à moi, je ne les classe pas à la même hauteur que les Golden Bears. McGill. McGill aussi est au tournoi. McGill qui avait connu un très mauvais début de saison. Il était 0-5 en début de saison. Imagine pas 5 défaites. Donne-leur-en 2 ou 3 victoires là-dedans. Là, parce que ça avait été dur en début de saison. Puis à mi-saison, ça s'est amélioré beaucoup. La troupe de Martin Raymond vraiment se sont mis à jouer ensemble. Ken Morin est vraiment devenu un meilleur défenseur. L'arrivée de Kevin Desfossés aussi est venue aider beaucoup le gardien de but qui est arrivé à la mi-saison. Depuis ce temps-là, c'est une équipe métamorphosée. S'ils continuent sur leur momentum, je leur donne une chance, mais je les ai pas comme favoris. Et aussi, qui va venir compléter le tournoi, va être les Varsity Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. L'Université du Nouveau-Brunswick, je sais pas si t'en as entendu un peu, là. Je veux pas te piquer un punch tantôt, là, si tu voulais en parler, pour Lewiston. Mais Lewiston voulait déménager à Fredericton, puis ça allait être à l'Université du Nouveau-Brunswick. Puis l'Université du Nouveau-Brunswick a fait comme... Bon, on n'a pas vraiment besoin de vous autres. Il y a 3000 personnes par game environ, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça aurait baissé peut-être... Les foules pour cette équipe-là, c'est sûr. Ouais, mais au moins, Lewiston avait une vision comme quoi, tu sais, souvent, le monde, il rentre là, mettons une équipe junior, avait une place, puis c'est à nous, c'est vraiment comme, ils prennent de la place, tout, tandis qu'eux autres voulaient faire ça comme en commun avec UNB, ce qui est déjà une amélioration en tant que telle, mais ça sera pas fait finalement, là. Donc, je sais pas si t'en parlais tantôt. Ouais, mais on va rester à Lewiston finalement. Ouais, on prend un plan triennal. Ouais, un plan triennal. Ouais. J'ai lu ça moi aussi. Donc, c'est peut-être le seul moyen d'essayer de ramener les commerçants, les commanditaires, puis les gens à l'aréna, c'est de dire on est ici pour les 3 années. Ça va être difficile. Tu viens te tirer dans le pied, puis je te dis que t'as un marathon à faire. Ouais, ben, aux États-Unis, c'est tout comme ça, les équipes, hein. Si on regarde ça, une équipe qui gagne, on attire les foules. Une équipe qui perd, on attire pas les foules. C'est le même ici. Ben, si on regarde l'Avalanche du Colorado. Oh, non, mais parle pas d'année nationale. Non, mais tu sais, je parle en général des États-Unis. On dirait que faut que ça gagne. Si ça perd, on va pas les voir. Oh non, non. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Au niveau. J'espère que t'es d'accord, tu viens de dire. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je dis? Regarde, au niveau NCAA, il y a des foules, c'est plein pour des équipes. Ouais, mais là, on parle proche de hockey. Ben, regarde hockey. NCAA, t'en as du hockey, puis t'as des bonnes foules, puis ça dépend tout le temps d'une question de marketing, puis une question de plusieurs choses. Donc, mais une équipe gagnante va attirer, puis une équipe perdante n'attire pas, par exemple, Victo. Donc, c'est ça. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tournoi? Bon, UNB a battu Acadia, comme je suis en train de parler, les Varsity Reds, qui ont fini premier au classement national cette année. Donc, on va récupérer Acadia pour se rendre là. Vraiment, Varsity Reds puis Golden Bears, je prédis une finale entre ces deux équipes-là. Mais de la façon que le tournoi est fait, je t'explique ça. Puis à Luc, très rapidement, on va avoir deux pools, OK? Le pool A, le groupe A, le groupe B. Dans le groupe A, Alberta, UNB, Lakehead. Non, dans le fond, on peut pas avoir une finale Alberta, UNB. Mon erreur, désolé. Donc, comment ça? Alberta, UNB, Lakehead dans le groupe A. Dans le groupe B, c'est St. Mary's, Western Ontario et McGill. J'avais oublié de nommer St. Mary's tantôt, désolé. Donc, dans ces équipes-là, chaque équipe affronte une équipe. Donc, jeudi, groupe B, St. Mary's affronte McGill. Le gagnant va venir affronter le perdant va venir affronter Western. Et le gagnant va affronter Western le samedi. C'est un round robin, comme on appelle, un tournoi à la ronde. Mais le gagnant, puis après ça, le meilleur de chaque groupe vont s'affronter en finale. C'est ça. Donc là, excusez, je m'étais trompé pour UNB Alberta. Je vais y aller en finale. Alberta. J'hésite pour McGill. J'hésite, là. Ça va être tough. Western ou McGill, ça va être un des deux, à mon avis. Donc, on va pouvoir ça. Comme je vous rappelle, c'est en diffusion sur Rogers à 14h dimanche, chez la finale. Rogers Sportsnet, si vous ne l'avez pas, allez sur le site des sports universitaires canadiens. C'est diffusé sur SSN Canada, en web diffusion sur Internet. Donc, ça va être très intéressant. Alors, on passe une petite pause au retour. Hockey Junior avec Pierre-Luc Giroux, manquez pas ça. C'est tout.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités littéraires et les spectacles à voir absolument. C'est tout.ca, c'est le palmarès, des concours, un forum. C'est tout.ca, c'est le site de radio universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. C'est tout.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne, partout sur la planète. C'est tout.ca, c'est tout ça. Une présentation de vos internet. J'ai besoin de recharge! Va en recharge, c'est moins cher! Tu comprends pas, je suis vraiment à sec! Mais justement, va en recharge, ils vont t'emmener ça, eux autres! Et en plus, les prix sont imbattables! La recharge, la place la moins chère pour remplir tes cartouches d'encre et laser. 1380 boulevard des Récollets. Perds pas ton temps à aller voir ailleurs. Viens à la recharge! Salut, mon Danny! Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi t'arranger ça. Wow, aussi que tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Le Blues de la Job, c'est 2 heures de blues avec votre hôte Sébastien Boucher tous les dimanches de midi à 14h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, la radio du campus de Trois-Rivières. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'un conduit de partie. Il aurait pu apprendre le violon ou le piano, jouer qu'un pose de beau comme Angèle Dubeau. Il aurait pu prendre des cours de solfège, faire des arpèges, jouer dans l'harmonie du collège. Au début, on pensait que c'était rien qu'une mauvaise pause. On se disait, faut bien que jeunesse se passe. Mais là, on commence à en avoir notre voyage. La vulgarité, du bruit, puis du criage. Dire j'aurais pu être admis au conservatoire, mais il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Pendant que tant de gens qui ont à dire de quoi sont réduits au silence, sont baïonnés, sont sans voix. Lui, qui a une tribune, la gaspille sans scrupule, en faisant étalage de son chaos mental. Il se roule dans la fange, se cantonne dans la frange, toujours plus haineux, débile et criant. Ouais, il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Non mais, m'avez-vous vu ce Cro-Magnon? Comme en qualité de musique, ces bruits qui n'ont rien d'artistique. Non mais, m'avez-vous vu ce Cro-Magnon? Ce qui ronfle en sa tombe au panthéon de la honte. Les dents, puis ferme ses goussets, qu'on lui rabatte, on fait le caquet, à lui, et ses amis, qui font du bruit avec leurs amplis, qu'on le barre de tous les bords, qu'on l'embarque, qu'on le jette par-dessus bord, qu'on l'expulse hors de nos remparts, et qu'on l'abandonne à son sang, car il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Et c'était le toujours poli, sage et le chéri de ses grands-mères, mon oncle Serge, accompagné de Anonymous, l'Académie du Massacre, avec la chanson Musique Barbare. Il est 10h37, vous êtes avec Ducharme et Giroux, il fait un magnifique moins 3 degrés sur Trois-Rivières. On annonce 6 après-midi, donc comme Pierre-Luc disait tantôt, une bière, une terrasse, c'est tout ce que ça vous prend pour vous rendre heureux. Pierre-Luc, Hockey Junior, les séries, c'est commencé, ça joue du hockey pas serré. Ça dépend. Hier, je te dirais qu'on a eu beaucoup plus de compétition de la part des équipes, des équipes, dans le fond, de second niveau. De second niveau. Mais on a eu de la bonne compétition hier soir. Okay. Je te dirais que moi, je me suis mis en ligne, j'ai écouté 3 matchs en même temps. J'étais vraiment plugué sur mon ordinateur à écouter les parties. Puis on a eu des bons matchs. Sérieusement, on a eu des très, très bons matchs. C'est ça qui est le fun avec la Ligue d'Hockey Junior Majeur. C'est qu'on peut, ceux qui ne savent pas, là, on peut écouter vraiment les parties sur Internet avec sur le TELUS. Web. TELUS je me demandais si on pouvait l'écouter 2-3 en même temps. Et oui, on peut écouter 3 games en même temps. Le son, les 3 games, j'avais le son au bout. Je te dirais qu'à un moment donné, tu comprends plus qui dit quoi, mais je te dirais que quand t'entends le but, tu le sais. En plus, tu voulais écouter Annie Sésame en reprise. Ah, regarde, écoute, j'écoutais tout ça en même temps. Moi, j'étais tout... plugué de partout. Donc, on va commencer tout de suite en parlant des Tigres de Victoriaville contre les Cataractes de Shawinigan. Donc, les Cataractes qui l'avaient facilement emporté dans les deux premiers matchs. Une première victoire de 5-2 vendredi dernier. Le lendemain, on l'emportait 7-1. Toujours à l'amphithéâtre au centre Bionès maintenant, ouais, faut le dire, de Shawinigan. Donc, victoire de 7-1. Et hier soir, on a eu vraiment une meilleure compétition de la part des Tigres. On a vraiment vu une équipe qui était plus féroce. Donc, les Cataractes qui l'ont emporté 4-3 en prolongation. Pourtant, le match avait bien mal commencé pour les Cataractes alors que David Clich avait profité d'une mauvaise punition du capitaine pour enfiler le premier but. Cédric Lalonde-McNicoll a répliqué avec deux buts de suite sur des passes de Pierre-Alexandre Vandal qui était de retour au jeu. Y a-tu manqué une game? Ouais, il a manqué une game une seulement. Game, okay, ouais, okay. Donc ça a pas été trop pire. Maintenant, après ça, les Tigres ont, sur une bévue de Charles-Olivier Roussel, ont capitalisé pour mettre la marque 2-2. Mathieu Pistilli, dans le fond, a compté un autre but pour porter la marque à 3-2. Philippe-Michael DeVos a remis la marque à 3-3. Et c'est finalement Mathieu Pistilli, après 2 minutes 35 en prolongation, qui a inscrit le but vainqueur pour maintenant mettre les Tigres sur le mur. Donc, sur le mur? Pas les, sur le mur. Les accoler au mur. Ouais, on les a accotés au mur. Ouais. Donc, on est sur le bord du gouffre, comme on dit, pour les Tigres. Mais là, c'est un mur ou c'est un gouffre? Là? Parce que c'est totalement le contraire. Un là. Des deux. Un t'as des deux. On est sur le bord des c'est deux. Un, c'est un mur gouffré. Ça va pas bien. Non, c'est... On manque de métaphores pour dire que ça va pas bien pour ouais, les Tigres. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 3-0 pour les Cataractes dans la série. Juste une petite mention aussi là pour dire qu'il y avait pas beaucoup de monde hier à Victoriaville. Mm. Je pense qu'on avait déjà lancé la serviette du côté des partisans des Tigres. Il y avait seulement 1604 spectateurs au Colisée des Jardins hier, ce qui est la pire foule de l'année. Donc, qu'est-ce qui se passe à Victoriaville en cette série éliminatoire qui était si intéressante contre les Cataractes? Bien. Écoute, on est allé en prolongation hier, là, juste avec peut-être un petit peu plus de monde dans l'aréna, plus d'ambiance. Ben, c'est un mardi soir. On a peut-être aussi, donné une victoire au Tigre. C'est un mardi soir. C'est sûr que ça allait être tout un petit peu moins que. On s'entend que Shawinigan a un avantage là-dessus. Leur partie de série, mettons. Sont la fin de semaine. Sont la fin même de semaine. À ça, les Cataractes auraient rempli l'aréna quand même. J'en doute pas, moi. Ouais? Non, sérieusement. On verra dans les prochaines. Ça n'a pas été plein, la première partie. C'était pas. Full. Well, c'était pas full, mais tu sais, c'était pas loin. Là. OK, mais là, je pense qu'on a eu des bonnes foules. Là, ouais, non, je dis pas que c'est pas des bonnes foules. On s'en reparlera dans les prochaines séries, voir si un mardi, un mercredi, ça va être plein. Là, ouais, parce que là, ils perdent l'avantage de la glace là, après ça, parce qu'ils ont été classés comme quatrième à cause des champions. Cinquième? Ben oui, c'est les quatre premiers des divisions, donc on termine cinquième. OK, mais dans leur. Non, c'est correct. Attends, je suis un gars visuel, je vais essayer de. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, okay. Pas de problème. Mais de toute façon, visualiser ça dans ta tête, puis on se revient avec ça. Ça va pas bien, non, pour nos prédictions pour cette série-là, Nicolas. On avait prédit Shawinigan en 6, c'est déjà 3-0. Donc, je pense que nos deux experts ne l'ont pas partout pour cette série. Ouais, mais il y a le vent dans le dos, là, puis tout ça, là, fait que... Ouais. En tout cas, on se tourne maintenant vers la série Maniacs de Lewiston contre les Voltigeurs de Drummondville. Ça, c'est une série, là, qui va que d'un côté. Les Voltigeurs qui avaient apporté la première partie 12-3, 10-1 à la deuxième partie. On était rendu déjà après... deux games à un total de 22-4 dans les buts. Aïe, c'est vraiment toute qu'une démolition des Maniacs. Sauf qu'hier, c'est... Ouais, en tout cas, hier, vas-y. On a eu quand même une bonne... en première période, là, on a vraiment vu les Maniacs qui étaient dans le coup. Tout d'abord, Yannick Rindeau avait donné les devants aux Voltigeurs 1-0. Par la suite, sur un mauvais bond, Les Maniacs ont profité de leur chance, ont créé l'égalité 1-1. Et les Whiston ont pris pour la première fois l'avance dans la série, alors qu'ils menaient 2-1 à la mi-première. C'est Maxime Gratchev qui avait enfilé l'aiguille. Et par la suite, c'est là que ça s'est gâté. Donc, Hoffman qui est parti en échappée contre un but. Après ça, Yannick Rindeau qui profite d'un double avantage numérique pour porter la marque à 3-2. Et par la suite, là, c'est vraiment... les mauvaises punitions des Maniacs qui les ont coulés. Donc, après ça, on a eu quelques buts. Donc, ça s'est terminé 7-2 pour les Voltigeurs de Drummondville. Oui. Plusieurs buts en avantage numérique. Un total de 5 buts en avantage numérique. Et en fin de match, là, ça a brassé beaucoup. Encore? Je te dirais que les joueurs des Maniacs, là, on a eu une bataille en fin de match. Danick Paquette, ouais. Qui a sacré une bonne volée à Olivier Hutt. C'est-tu un gars qui se bat beaucoup, Olivier Hutt? Non, c'est pas un grand batailleur, okay. Mais c'est quand même bien défendu. Mais je te dirais que ça s'est porté un petit peu comme l'histoire à Jonathan Roy. Oh. Tu sais, le joueur est couché à terre, puis on continue à frapper 3, 4, 5 coups. Ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé hier là, à la fin du match, alors que c'était 7-2. Donc, je pense que l'entraîneur, le chef des Voltigeurs, Guy Boucher, n'était pas très content de ça, de voir comment ça s'est produit en fin de match. Donc, on s'attend peut-être à avoir une quatrième partie avec plus d'action, avec plus de batteurs. Mais il ne faut pas que les Voltigeurs embarquent dans ce jeu-là, non. Parce que c'est là qu'on pourrait perdre des joueurs importants pour les prochaines séries et les blessures, etc. Parce que Paquette, c'est quand même le meneur. Paquette, c'est un très bon batailleur. Donc, c'est le meneur au niveau des pénalités dans la Ligue des juniors majeures du Québec. C'est pas pour rien. Écoute, hier, c'était... Pis c'est pas un mauvais joueur, là, en plus, là. C'est un très bon joueur, Danick Hudon-Paquette. Un genre de Chris Neal, un peu, là. C'est pas un matamor, là. Il peut faire la Ligue nationale, ben, là, Danick Paquette. Ouais. Ça pourrait très, très bien arriver. C'est sûr que cette année, il se fait pas aider parce qu'il peut pas pratiquer ses talents de pugiliste vu que plus personne veut se battre, là. Mais... Non, c'est ça. Puis il n'y a pas l'équipe non plus pour aller loin, là. Ouais, non, mais. Parce que sinon, s'il aurait été avec une équipe comme les Cataractes ou les Voltigeurs, il aurait bien, bien plus vu. Sauf qu'il y aurait peut-être eu moins de temps de glace. Puis des fois, tu développes. Regarde Patrick Roy, là. Il finissait ses parties à Grimby, là. Puis il sentait le robot. Là, pendant 2-3 jours, là, vraiment. Là, bon. 50-60 shots par partie, là, c'était une démolition en règle. Super. Donc, c'est ça. Donc, c'est 3-0 aussi dans la série pour les Voltigeurs de Drummondville. Les Maniacs de Lewiston font face à l'élimination ce soir. Maintenant, on regarde du côté de Québec. Alors que les Remparts de Québec étaient à Baie-Comeau hier soir, ils avaient remporté les deux premiers matchs assez facilement au Colisée Pepsi sur une première victoire de 8-1 vendredi, 5-2 samedi. C'était le jeune gardien qui était devant les buts de Baie-Comeau. Je me rappelle plus son nom, j'ai un blanc. Ouais. Mais qui avait quand même bien fait, là. On pouvait pas non plus le blâmer. Mais c'était François Lacerte qui était là. C'est ça. François Lacerte qui était là dans les premières parties. Mais hier soir, on a fait confiance à Nathan Donnette, qui est un ancien gardien, justement, des Voltigeurs, qui a été échangé contre Marco Cousineau. Il a très, très bien fait, là, hier, dans les buts, alors qu'il a réussi à bloquer 31 tirs. Donc, le Drakkar l'a emporté hier par la marque de 4-3. Ça a été un match très, très serré. Marc-Olivier Binard a enfilé le premier but. Par la suite, Guillaume Monas a créé l'égalité 1-1. Dans le fond, un but des Remparts, 1-1. Félix Potty, un ancien des Remparts, a profité d'une erreur de Dimitri Kougrichev alors qu'il a profité de son erreur pour faire 2-1. Par la suite, le Drakkar a pris l'avance 3-1 sur un but de Guillaume Goulet. Par la suite, Dimitri Kougrichev et Stefanovic ont eu une très belle échange entre les deux pour porter la marque à 3-2. Tout de suite après, Stefanovic a enfilé l'aiguille pour porter la marque à 3-3. Mais c'est Guillaume Goulet en troisième période qui est allé donner la victoire au Drakkar. Donc la série est maintenant 2-1. Il y aura donc un cinquième match ce vendredi au Colisée Pepsi. Si on regarde maintenant du côté de Rimouski-Chicoutimi, les Saguenayens qui en arrachent à l'Océanique, c'est sûr qu'on joue contre une grosse machine. Il y avait quand même beaucoup de monde hier à Chicoutimi pour accueillir l'Océanique. Les Saguenayens qui avaient pris l'avance 2-1 après une période, mais L'Océanique est revenu en force. Kevin Veilleux s'est personnellement occupé des Saguenayens depuis le début de cette série, alors qu'il est maintenant rendu à 2 buts 9 passes pour un total de 11 points. Dans cette partie, l'Océanique a réalisé 3 buts en avantage numérique pour porter une victoire de 6-3 à l'Océanique. Encore une fois, c'est 3-0 dans la série. Les Saguenayens font face à l'élimination aussi ce soir. On regarde maintenant du côté des Olympiques de Gatineau contre le Titan d'Acadie Batters. Ça, c'est une série, je pense que c'est la série qui surprend le plus en ce moment. On a eu vraiment une surprise, là. Le Titan qui réussit vraiment à donner du fil à retordre aux Olympiques. La première partie, les Olympiques l'avaient emporté 5-4 en prolongation. Les Olympiques avaient remporté l'autre beaucoup plus facilement par la marque de 8-2. Mais hier soir, on s'en allait en Acadie Batters devant seulement 1485 spectateurs. Et le Titan a très bien fait, l'emportant par la marque de 5-3. Dans le match, Spencer Gizigou a 3 points, dont 1 but et 2 passes. Maxime Mallet, du côté des Olympiques, avait pour lui, avait compté 2 buts. Gizigou, c'est bien ça. C'est J-E-Z-E-G-O-U. Spencer Gizigou. Gizigou. Ça sonne comme Tremblay. Ben ouais. Donc, le Titan d'Acadie Batters ont stoppé une mauvaise séquence de défaites. Ils étaient rendus à 15 défaites depuis dans le fond, le début de l'année. Depuis la fin de l'année. Donc, la dernière victoire remontait au 10 février. Donc, enfin, le Titan ont réussi à en gagner une. Malgré tout, les Olympiques de Gatineau qui ont dominé au chapitre des tirs par 50-34. Donc, félicitations à Nicolas Champion qui a récolté 47 arrêts. Je sais pas si tu voulais en parler, mais il y a eu de la brasse camarade pas mal entre on a eu quelques suspensions déjà à la deuxième partie. Ça l'a brassé, des suspensions du côté des joueurs et des équipes. Donc, le Titan qui est déjà en déficit quelque peu, j'ai regardé ça, sont à 2 000 $ d'amende là, à la dernière partie. Ça va faire mal pour une équipe qui attire que 1 500 personnes par partie. Donc, Il y a l'entraîneur de Ron Schultz. C'est ça, Ron Schultz qui menaçait l'entraîneur de Hull d'aller se battre contre lui dans le parking. C'est des histoires comme ça. Stuff de junior comme dans le temps. Ouais, c'est ça, on aime ça quand il y a de l'action. Même sauf que les règlements, ils aiment pas ça. C'est ça, mais c'est comme je dis, du stuff de junior des années 80, mais... En tout cas, j'ai pas eu ça RDS, là, j'ai vu ça RDS, là, mais ça a brassé pas mal. Ouais, là. Donc, comme je vous ai dit, là, ça va faire mal, là, les amendes qu'on a données au Titan. Ça va faire vraiment mal. Ouais, mais ils ont dit que le club allait rester là. Que le club allait rester là, mais en déficit jusqu'à combien de temps, on ne sait pas. Donc, maintenant, on va parler de la série Montréal-Rouyn-Noranda, qui est la série la plus intéressante en ce moment. Le junior, j'allais dire le Rocket de Montréal. Le junior de Montréal qui ont remporté la première partie par la marque de 5-3. Les Huskies qui ont remporté la deuxième partie par la marque de 4-3. Vous voyez, c'est vraiment serré entre les deux. Mais hier, on était de retour à l'aréna Dave Keon à Rouyn-Noranda et le junior a très bien fait. TJ Brennan s'est personnellement occupé des Huskies alors qu'il a compté 1 but, 3 passes pour un total de 4 points. Nick Layton a lui aussi eu 3 points dans la victoire. Donc, victoire de 4-1. Le junior de Montréal qui mène maintenant 2-1 dans la série. C'est très serré entre les deux équipes. Si on regarde là, le chapitre des tirs hier, ça a été un match très défensif. Les Huskies qui ont eu le dessus par 24-22 donc au chapitre des tirs. Donc, c'est vraiment Jake Allen là, qui a fait la différence dans le match. Lui qui a repoussé un total de 23 tirs. Ouais, puis je sais que dans la deuxième partie, Rouyn-Noranda a gagné, mais c'était Montréal qui dominait au niveau des tirs par une bonne marge. Là. Ouais, tu vois comment ça peut changer. Ben, c'est une série qui est tellement serrée. Une période, ça va d'un bord, une période, ça va de l'autre. C'est le jeu de ton gardien qui va venir faire beaucoup de choses. Puis on l'avait dit là, la semaine dernière que ça allait être Jake Allen. Ça allait être... L'élément clé. Sans plein ça. C'est ça que je voulais dire. Clé cadenas. Donc, si on regarde maintenant du côté des séries des Maritimes, on va commencer tout d'abord à Moncton contre l'île du Prince-Édouard. Les Wildcats qui avaient facilement emporté les deux premières parties, 7-1 dans la première, 5-0 dans la deuxième. Donc, on parlait de démolition la semaine passée. Bobby Nadeau s'est littéralement fait encore une fois défoncer. Ouh. Donc, mais hier, ça a été une toute autre histoire là, dans le match à l'île du Prince-Édouard. Hey, en passant, île du Prince-Édouard qui ont une beaucoup plus petite population que la Caddy Batters. Hier, ils ont attiré 2582 spectateurs. T'as, comme on disait, t'as pas grand-chose de plus à l'île du Prince-Édouard que des patates. Ben c'est ça, mais ils ont quand même eu 1000 personnes de plus. Non, je sais, mais je dis Batters, t'as peut-être d'autres choses à faire, mais à Charlottetown, là, non, c'est sûr. À part la game de bridge de Madame Thibodeau, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais. Madame Cavendish. Donc, c'est ça, hier, ça a été une toute autre histoire. Les Wildcats qui l'ont difficilement emporté par la marque de 3-2 en prolongation. C'était tout d'abord 2-0 pour les Wildcats quand que le Rocket a enflé deux buts rapides. C'est les plus rapides dans leur histoire en séries éliminatoires pour leur concession. Deux buts en 11 secondes pour porter la marque 2-2. Mais en prolongation, les Wildcats sont venus remettre les pendules à l'heure pour remporter par la marque de 3-2. C'est un but de David Savard. On regarde du côté maintenant de Cap-Breton et Saint-Jean, une série qui était supposée être très serrée, mais finalement, à part le premier match où le Screaming Eagles l'avait emporté par 5-4 en prolongation, 5-0 la deuxième partie pour Cap-Breton et 8-3 hier, vraiment une nette domination du Screaming Eagles. Dans la partie hier, Nicolas Cheminard a récolté 2 buts, 2 passes pour un total de 4 points et Taylor McDougall a eu 2 buts, 1 passe pour un total de 3 points. Du côté des gardiens Saint-John, on a commencé avec Robert Meyer, on a changé pour Karel Saint-Laurent. Et on a switché en début de troisième pour Robert Meyer. C'est pas bon, ça. Donc, non, c'est ça montre comment que... C'est mauvais quand tu fais un triple changement de gardien. Triple changement de gardien, écoute, c'est ça qui s'apprend. Donc, 3-0 pour les Screaming Eagles du Cap-Breton, les Sea Dogs qui donc font face à l'émission ce soir, l'élimination ce soir à Saint-Jean. À Saint-Jean. Yes. Donc, juste un petit mot maintenant pour parler des trophées qui seront remis à partir du 1er avril, donc la semaine prochaine, mercredi prochain. On a nommé qui sera les finalistes. Donc, si on regarde là dans le trophée Michel Brière qui est décerné au joueur le plus efficace, ça c'est entre Cédric Lalonde, McNichol des Cataractes, Yannick Riendeau des Vulture et Nicolas Riopel des Wildcats. Selon toi, Nicolas, qui sera nommé? Riopel? Oui, Riopel. Ah, fou. Moi, j'irais peut-être pour Riendeau. Riopel. Moi, j'irais peut-être pour Riendeau. Donc, pour Riendeau. On regarde ça dans deux semaines parce que c'est mercredi prochain. Le gala. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine on va voir vraiment le résultat de chaque série et nos prédictions nos de prédictions, la deuxième ronde. Puis on va pouvoir garder ça pour le pool le pool de hockey qu'on a mis sur Internet, voir qui est en tête par rapport à nous et tout ça. Yes. Hey, merci beaucoup, Pierre-Luc. Donc, on va passer à la partie calendrier. Ben, Pierre-Luc, les matchs, c'est quoi en fin de semaine? Ben c'est plus ce soir. Ce soir, donc, oui, c'est ça. Ce soir, il y a un match à Victoriaville entre les Cataractes et les Tigres. Et pour le reste, là, on attend de voir le résultat des matchs de ce soir. Ça va vraiment comment aligner tout. Bon, parfait. Comme j'ai dit tantôt, moi, pour le championnat national, pour le March Madness, regardez ça, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez pas le manquer. Sur les ondes de CBS... comme j'ai dit pour le hockey, bon ben dimanche 29 à 14h, 29 mars, c'est la finale à Rogers Sportsnet. Et finalement, on va avoir, il y a un tournoi de hockey qui se déroule ici même à Trois-Rivières, à l'aréna Fernand Asselin. Ça va être un tournoi dans lequel je vais jouer avec les Canadiens de Saint-Pie. Go, Nick, go! Yes! Donc, les Canadiens de Saint-Pie, on espère pas en manger une parce qu'on est... En tout cas, on verra bien. Donc, comme ça, fait que ça va être intéressant, manquez pas ça. Hey, on se revoit la semaine prochaine. On se laisse sur la chanson La Marée du groupe La Patère Rose. Si vous voulez nous rejoindre en tout temps, inconduitedepartie.com. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Juste par terre là devant à nos pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.